Si tu prends vraiment conscience que tu te manipules, va se faire le faux cul. Faut que tu saches que tu te manipules, faut que tu aies des gains. Là, tu commences à être faux cul, puis tu commences à être faux cul. Un jour, t'as tellement le faux cul, t'es toujours le faux cul. Moi, je l'ai tout le temps au cul, je suis tout pour m'estimer, je me calme là-dessus. Fait que j'ai toujours le faux cul. Fait que quand t'as bien le faux cul, laisse-moi te dire qu'il n'y a personne qui fuck with you. Ni en haut, ni ici. Fait que tu commences à avoir la terre. Mais ça, tu commences à te protéger. Mais il y a du monde qui n'a pas le faux cul. Le monde, ça va mal, il est ci, il est ça, il se passe ci, puis il se passe ça. C'est voué, là, ça continue, là. Tu pourrais prendre une note le 24 décembre 90, là, tu regardes le 25 décembre 95, c'est encore là, c'est encore dans mes marques. Comment est-ce que tu fais dans mes marques pendant 50 ans? Il y a du monde qui sont dans mes marques pendant 20 ans, 30 ans. Là, ils viennent décourager. Qu'est-ce que tu comptes? Bon, on va spiritualiser. On va avoir un gourou. Au lieu de prendre le faux cul. Autrement dit, de voir qu'ils soient manipulés dans leur tête, puis prendre ça en main, puis régler ça, cette affaire-là. Fait que, il y a plein des affaires qu'on a réglées, là, dépendant de la dynamique de notre mental, là. Mais faut que ça se règle. On règle pas nos affaires. On traîne, puis on traîne, puis on traîne, puis on traîne, puis la traîne rentre là-dedans, puis il nous fait traîner de ça de plus en plus. Fait que, demande pas pourquoi ce monde soit malade. Bon, une personne a une pensée. Elle a fait, cette pensée-là l'a fait souffrir, elle vit une colère, elle exprime une action dans une colère, puis elle se rend encore un petit peu plus dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a réagi à sa pensée, elle a réagi aux influences. Qu'est-ce qui s'est passé? Réagir, c'est pas agir. Tu sais, si tu prends une colère parce que ta femme a triche, c'est toi, ou tu penses qu'elle triche, qu'elle triche, ou ton chum te triche, tu vas faire une colère, tu vas casser les assiettes. Ça va pas régler l'affaire. Il va attendre deux mois pour tricher encore. Tu sais, il faut que tu règles le problème. Le monde sont en réaction dans la vie au lieu d'être en action. Ils sont en réaction au lieu d'être en action. Le monde sont pas en action. Tout le monde est en réaction. Quand tu es en réaction, mais ça travaille sur tes corps, ça travaille sur tes organes, tu deviens malade. Tu vis du stress. Le monde ne sont pas en action. Être en action, c'est quand vous identifiez des problèmes dans vos compagnies, vous les réglez vos problèmes si vous êtes des bons managers, mais c'est la même chose dans ta vie. Tu identifies un problème, il faut que tu le règles. Mais on ne le règle pas nous autres. Parce qu'on a des émotions. On a des liens. On a des conditions. On a des ci, on a des ça. On ne les règle pas. C'est pour ça que ça nous prend des années, puis des années, puis des années, puis des années pour en arriver à être intelligent. Pourtant, c'est simple, l'intelligence. Moi, j'étais curé de vivre dans le système, là. Pourtant, je suis pas à Seine, j'ai une belle maison à Saint-Anne. J'étais curé d'être dans le système. J'en ai plein le cul du système, là. J'en ai plein le cul de travailler comme le gouvernement québécois, là. Fait que je m'exile, je crisse mon camp en Haïti, je m'en vais vivre en Haïti, là. M'as-tu être bien? Je vais-tu être bien? Ça me coûte rien, franchement. Rien! Ça me coûte rien! Fait que là, je vis, là, le gros, je vis, c'est de balancer mes vibrations sensibles, là, de niaiseux, là. Mais là, je m'en vais en Haïti, là, m'envoie le soleil le matin, m'envoie le soleil le soir, m'envoie la mer, j'ai tous mes chums là-bas, je crisse mon camp, là, je m'exile, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, on s'en va pas en Haïti pour le passer l'hiver, là. J'ai dit, il y a un autre mot qu'il faut utiliser, on s'exile! Je m'exile! Je te nie, je suis capable! Il fallait que vous ayez. Ben, j'ai fait une décision! Je t'ai mis à avoir des comptes Bell Telephone, American Express. Puis je les ai toutes, moi, hein. American Express, Visa, ben, je les ai toutes! Je les ai toutes! Il m'appelle, monsieur Bernard, voulez-vous? Oui! Là, j'en veux plus! Manger de la merde! Puis les ras-le-bol! Je m'en vais en Haïti. Mais vous les aviez, c'est quoi? J'ai dit à ma femme hier, Chris, ça m'a coûté 1200 piastres, là. J'ai fait une crise à la maison, pas contre ma femme, je suis content de la vie à ma femme. Je m'en vais en Haïti, on va se promener en costume de bain. Ça coûtera pas cher. Je n'ai plein de cul, je suis capable. J'en veux plus, je sors du système. Pourtant, je suis plus à l'aise que probablement tout le monde dans la salle. Mais pour moi, j'en veux plus. Fait que je prends une action. Je prends une décision. Je vends tous mes chars, là. S'il y en a qui veulent des bons chars, j'en ai.